plus fort que les boutons du viaduc. Réconcilia jamais, virus sanguin invincible. Ça ne s'arrêtera pas, comme ici à perpétuité. Et ça nous n'en aille ralentir vite, c'est à épanouir. Pas chore loba moni sukane wenema tangoneta liaza kotambola au bord de la mer sokimpe fleuve sokimpe rivière au bord du lac. Zambe tango asali beauté aaki na besoin na ba ambassadeur na ba ambassadrice ya beauté aeko sala concept komo Nathalie ba Miss Univers ba bundana na ye. Beauté à Nathalie, ralentir vitesse, y'a ma jalouse. Beauté à Nathalie, faire perdre son froid, ma bas à peu près. Nathalie, voici à ma soirée de gamaïe. Ma banane est la ligne, qu'un oui, mon ami Nathalie. Yota qui m'envoie, s'occupe de Somalie. La Lili est si bien à l'anzo, tout le monde pour moi. Thank you.